Eh bien voilà, nous sommes le lundi 7 octobre, c'est mes souvenirs. Nous avons 7 octobre, c'est Cocktail Coloré, c'est Michel, jusqu'à 16h, puisqu'à 16h, vous retrouvez notre ami Francky, after Jobin. Voilà le programme à venir. Alors, comme il n'y a pas eu d'émission d'accordéon le week-end, et je m'en excuse, mais c'est un problème de santé, et ça arrive aux gens bien, la preuve, merci. Et on va mélanger aujourd'hui chanson et accordéon. Voilà. Ce sera ça. Et on va commencer tout de suite avec Belle Amie, et c'est Eva. Si c'était pas si loin, je verrais. Eva Bush. Que voilà. Si ça avait bien marché, évidemment. Dans les salons, autant de mots passants, sur Belle Amie, chaque femme en passant, se retournait, espérant la promesse de son regard doux comme une caresse. Et sur les pas du tendre et du cœur, dont le renom fut de briser tous les cœurs, on entendait comme un frisson chanter cette chanson. Belle amant, bel amour, belle amie, follement chaque jour, belle amie, tu conduis sur tes pas une femme qui tout bas s'est jurée de tomber dans tes bras. Ton pouvoir est si grand, belle amie, qu'en un soir en riant, belle amie, qu'est-ce que je dis? Dans tous les pays, à Berlin aussi. Ich kenne einen netten jungen Mann, der gar nichts ist und nichts Besonderes kann, und den die Damen dennoch heiß verehren, weil er das hat, was alle Frauen begehren. Er macht die anderen Männer ganz nervös mit seiner tollen Chronik skandalös. Er nimmt die Frauen, wie er will, bei ihm hält jede still. Du hast Glück bei den Frauen, Belle Amie. So viel Glück bei den Frauen, Belle Amie. Bist nicht schön, doch charmant. Bist nicht klug, doch sehr galant. Bist kein Held, nur ein Mann, der gefällt. Du verliebst jeden Tag dich aufs Neue. Alle die Frau, die dich liebt, machst du glücklich wie noch nie. Belle Amie, Belle Amie, volle Mond, chaque jour, Belle Amie. Ton doux charme a conquis tous les temps du Grand Paris. Belle Amant, Belle Amour, Belle Amie. Quelle merveille, quel homme, mais alors, quel coquin. Une voix, puis aussitôt fait l'écho qui reprend doucement. L'amant qui cherche sa belle, tendrement chanté pour elle. En hésitant, il s'approche et sous les fondaisons aperçoit sa maison. passer, les beaux jours sont trop courts. Oh, oh, mais le printemps renaissant voit fleurir le désir. Oh, oh, l'amour revient vers sa belle avec une ardeur nouvelle. Et lui disant son amour afin de l'attendrir, chante ses souvenirs. De Bushnik vient de nous interpréter guitare dans le soir. Non, c'est même pas ça, c'est guitare, c'est dans le soir, c'est bien ce que j'ai dit. J'ai encore pas perdu la tête. On continue avec un des derniers disques de André Rock à l'accordéon, bien sûr, je vous ai dit, je sors un cocktail coloré aujourd'hui, accordéon et chanson. Je dis un des derniers parce qu'il a sorti un double CD. Récemment, voilà, peut-être 2 mois à peu près. André Rock, que voici et que voilà. c'était elle, c'était un passe double, bien sûr, El Zapatero, André Rock, qui nous a préparé un deuxième passe double, Pasqualino. Continue avec Bruno Clair et ce sera Marie-Laurence. Présente au monde la grâce blonde de ses 20 ans, mais sa jeunesse se voile de tristesse, sous les sourires, son cœur soupire de temps en temps. Si quelque chose le rend morose, c'est, je suppose, d'être sur terre trop solitaire. Nul amourette ne regrette, ne méfiette, ton cœur en fête au long des jours. Marie-Laurence, douce fleur d'innocence, prie la Madone qu'elle te donne un tendre amour. Marie-Laurence, danse dans une révérence. Présente au monde la grâce blonde de ses 20 ans et sa jeunesse rayonne de tendresse. Et son sourire semble nous dire c'est le printemps. Un charme étrange soudain la change et sa voix d'ange n'est plus la même depuis qu'elle aime. Une étincelle d'amour fidèle dans ses prunelles la rend plus belle de jour en jour. Marie-Laurence, douce fleur d'innocence, n'a plus de larmes, c'est là le charme d'un tendre amour. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Eh bien, on continue avec le soleil toute la journée sur Arc-en-ciel. Et cette fois-ci, c'est... Ça ira mieux demain, peut-être. Daniel Cléris. Ça ira mieux demain. Quoi de plus gai qu'une chanson de route? Rien, rien, rien, vous avez raison, sergent. Quoi de meilleur que de casser la croûte? Rien, rien, rien, surtout quand on a de bonnes dents. Bonjour les petits oiseaux, bonjour les copains. Si ça ne va pas tantôt, ça ira mieux demain. Si ça ne va pas tantôt, ça ira mieux demain. Quoi de plus clair qu'un bon vin qui pétille? Rien, rien, rien, vous avez raison, sergent. Quoi de plus frais qu'un joli brin de fille? Rien, rien, rien, surtout quand on a 20 ans. Bonjour les petits oiseaux, bonjour les copains. Si ça ne va pas tantôt, ça ira mieux demain. Si ça ne va pas tantôt, ça ira mieux demain. Quoi de plus doux qu'un sourire au passage? Rien, rien, rien, vous avez raison, sergent. Quoi de plus mou qu'un vieux bout de fromage? Rien, rien, rien, avec un verre de vin blanc. Bonjour les petits oiseaux, bonjour les copains. Si ça ne va pas tantôt, ça ira mieux demain. Si ça ne va pas tantôt, ça ira mieux demain. Quoi de plus blanc qu'un mouton dans la plaine? Rien, rien, rien, vous avez raison, sergent. Quoi de plus cher qu'un mot de sa marraine? Rien, rien, rien, avec 25 balles dedans. Bonjour les petits oiseaux, bonjour les copains. Si ça ne va pas tantôt, ça ira mieux demain. Si ça ne va pas tantôt, ça ira mieux demain. Quoi de plus noir qu'un nègre qui s'éveille? Rien, rien, rien, vous avez raison, sergent. Quoi de plus bleu que le ciel de Marseille? Rien, rien, rien, on dirait qu'il a la somme. Bonjour les petits oiseaux, bonjour les copains. Si ça ne va pas tantôt, ça ira mieux demain. Si ça ne va pas tantôt, ça ira mieux demain. Quoi de plus beau que revoir son village? Rien, rien, rien, vous avez raison, sergent. Plus de soucis, au ciel pas un nuage. Rien, rien, rien, nous rentrerons en chantant. Bonjour les petits oiseaux, bonjour les copains. Bonjour, c'est pas trop tôt, on se retrouve enfin. Bonjour, c'est pas trop tôt, on se retrouve enfin. Bonjour les petits oiseaux, bonjour les copains. Bonjour, c'est pas trop tôt, on se retrouve enfin. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Et sur la radio qui vous aime, on écoute le dernier album sorti cette semaine, la semaine dernière plus exactement, de M. Michel Pruot.

écoute maintenant, comme promis, André Rock. André Rock. Décidément. Michel Prugot, le balade. Le bal des gens heureux, pardon. Eh oui, c'est l'accordéon. On continue toujours avec Michel Prugot, le bal du dancing. La romance. La romance du dancing. Il ne faut pas rêver. Hein. Il ne faut pas se tromper. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. Et oui, c'est lundi spécial puisqu'il n'y a pas eu d'accordéon le week-end. On fait donc un peu. Un vrai cocktail coloré de chansons, de musique et d'accordéon. Bien sûr, l'accordéon, c'est de la musique, mais je me comprends. Un matin de printemps, que c'est chouette. Il nous chavire, nous prépare une histoire, et ce refrain magique nous invite. Cet air si doux qui caresse ta joue en plein soleil de mes taquines. Comme c'est bon de te sentir dans mes bras, en dansant cet air-là, c'est magique. Ce petit air qui est là dans ma tête, ce matin de printemps, c'est la fête. Il est malin, se faufile dans les airs, et à chaque refrain, il raconte que c'est bien toi qui se trouves près de moi, que je serre dans mes bras langoureuse. Et cet air-là, il ne nous quittera pas, car il est là pour nos cœurs en fête. Quand tes doux yeux me sourient gentiment, je me sens un peu comme dans un rêve. Cette mélodie qui bouleverse nos cœurs, c'est sûrement le secret du bonheur. Ce petit air qui trottine dans ma tête, un matin de printemps, que c'est chouette. Il nous chavire, nous prépare une histoire, et ce refrain magique nous invite. Cet air si doux qui caresse ta joue, en plein soleil de mes doux taquines. Comme c'est bon de te sentir dans mes bras, en dansant cet air-là, c'est magique. Ce petit air qui est là dans ma tête, ce matin de printemps, c'est la fête. Il est malin, se faufile dans les airs, et à chaque refrain, il raconte que c'est bien toi qui se trouves près de moi, que je serre dans mes bras langoureuse. Cet air-là, il ne nous quittera pas, car il est là pour nos cœurs en fête. Quand tes doux yeux me sourient gentiment, je me sens un peu comme dans un rêve. Cette mélodie qui bouleverse nos cœurs, c'est sûrement le secret du bonheur. Fais pas le malin, c'est Charles Dumont. Les gros, les petits, les calvitieux qui regardent les filles d'un air vicieux, ça te fait rire. Les retraités de la volupté aux jambes qui traînent au dos voûté, ça te fait rire. Ceux qui cachent sous un vieux complet un corps qui n'est plus qu'un reflet, ça te fait rire. Tu ne peux pas te figurer que leur cœur a pu battre pour le meilleur et pour le pire. Fais pas le malin, mon petit bonhomme, ça t'arrivera, ton cœur bat comme un métronome, il se fatiguera. Fais pas le malin, mon petit bonhomme, car tu ne sais pas ce qui t'arrivera, quand tu le sauras, tu verras comme tu souffriras. Tu ne doutes de rien, t'es plein d'audace, et tu te regardes dans la glace, tout fier de toi. Fais pas le malin, mon petit bonhomme, tout ce qui te fait rire à pleine gomme, ça t'arrivera. Les mains qui tiennent par le petit doigt, les yeux perdus, les grands émois, ça te fait rire. Au coin des rues, le teint blafard des amoureux qui font le quart, ça te fait rire. Lorsque t'apprends par le journal que l'amour souvent ça finit mal, ça te fait rire. Le mépris siffle entre tes dents, tu toises les filles d'un air prudent, sans rien leur dire. Fais pas le malin, mon petit bonhomme, ça t'arrivera, l'amour, bien que t'en sois économe, ça te ruinera. Fais pas le malin, mon petit bonhomme, quand t'auras faim, tu comprendras, faudra bien que tu mordes à la pomme qu'il te tendra. T'auras beau dire d'une voix fière, la première fois c'est la dernière, tu recommenceras. Fais pas le malin, mon petit bonhomme, quand tu seras vieux comme tous les hommes, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, tu le regretteras. Et on continue, pardon, avec une boucle blonde, Jacques Dutailly. Que j'ai fait sa connaissance un soir d'été au casino, l'enlaçant le temps d'une danse, je la remarquais aussitôt.

guette en vain dans la plaine, sa seule amie. Où es-tu jolie, mes anges? C'était mon premier amour. Chi-chi-chi-chi-chi-chi, tes notes de cristal enchantaient nos jours. Où es-tu jolie, mes anges? Qu'a-t-il fait de mon bonheur? Sans ce soleil de ma vie, mon cœur sentimental tristement se meurt. Chi-chi-chi-chi-chi-chi, pourtant je crois toujours à ton doux retour. Quand on s'aime d'amour, c'est l'accordéon d'André Rock. Quand on s'aime vraiment, on aime s'amuser. On partage nos chambres et c'est toujours l'été. Quand on s'aime à 20 ans, c'est toujours pour longtemps. On y sait toujours quand on s'aime d'amour. Quand on s'aime vraiment, on aime partager. On fait fi des tourments, le ciel toujours bleuté. Quand on s'aime à 30 ans, c'est l'heure du serment. On y sait toujours quand on s'aime d'amour. On aime tout donner, bien le temps des enfants, des Noëls, des veillées. C'est le temps des mamans, des câlins par milliers. On dit c'est toujours quand on s'aime d'amour. Quand on s'aime vraiment, on sait qu'il faut tracer une route aux enfants droite pour bien marcher. On récolte souvent la joie qu'on a semée. C'est juste un retour quand on s'aime d'amour. Il faut savoir laisser s'envoler les enfants pour fonder leur foyer. Alors tout devient grand, du garage au grenier. C'est si bon les beaux jours quand on s'aime d'amour. Quand les 80 ans viennent vous bousculer, que le dos des enfants plie pour vous embrasser. Plus besoin de diamants, preuve qu'on s'est aimé. C'est vraiment toujours quand on s'aime d'amour. Fernandel maintenant nous interprète Félicie aussi, très connue bien évidemment. Voici donc Félicie et Fernandel. Si toutefois M. Fernandel veut bien chanter, eh ben voilà, il veut pas. Donc il est fâché. Eh ben on trouvera quelque chose d'autre, c'est pas un problème. Et on va aller vers M. Michel Prouvaud. J'ai quatre lecteurs qui tournent, c'est pas évident. Monsieur Michel Prouvaud, ce sera Danser la Bretagne. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, mais ça va être ça. Danser la Bretagne.

des Chili jusqu'en Chine. On est droit à bas au verre du loup de mer. Quand une fille elle est chagrine, il se consulte avec la mer. Il se console tous, voilà, les gars de la marine. Du plus petit jusqu'au plus grand, de mon saillon au commandant. Du petit jusqu'au plus grand, de mon saillon au commandant. Du petit jusqu'au plus grand, de mon saillon au commandant. Maintenant, c'est même André Rock, l'un de ses nouveaux CD. On écoute... On écoute, je l'ai perdu. On écoute Les Palombes, André Rock. Elle part à tire d'aile vers des hivers bien plus doux, survolant en rive en belle. Les automnes de chez nous, aux premières feuilles mortes, rien ne peut les arrêter. Un grand élan les emporte au-delà des Pyrénées. Nous ne pouvons que les suivre des yeux.

Alors j'emmenais ma conquête dans un hôtel tout près de là. C'était l'hôtel d'Abyssinie et du Calvados réunis. Je trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière, félicite. Je me lavais les mains bien vite, lavabo avait une fuite, félicite. Sous l'armoire, il y avait une cale, car elle était toute bancale, félicite. Il y avait un fauteuil en plus, mais il était rempli de puces, félicite. Et des draps de toile molle me chatouillaient les guiboles, Félicie. Oh, si. Balade à mon cul. Eh oui, ça s'appelle bien mon cul, je précise bien. M-O-N-C-U-C-Q. Et c'est un petit pays que je connais bien, que je sais pas où je suis passé plusieurs fois. Dans le Gers, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et ça s'appelle donc Balade à mon cul, et c'est André Rock. Suivons les chemins du Quercy blanc. Allez, viens, viens, je t'emmène. Cheminons et marchons droit devant. Allez, viens, prends-moi la main. Des maisons belles comme autrefois, il y en a, tu peux me croire. Des colombages de ci, de là, il y en a, tu aimeras. Je t'invite en balade, un beau village au cap Quercy blanc. Partons en promenade, un gai refrain qui sent le printemps. On le chante à tue-tête, un beau village au cœur Quercy blanc. Mon cuc nous fait la fête, et ses couplets volent avec l'automne. Un beau marché plein de belles saveurs. On est bien sur cette place, ça ressemble au pays du bonheur. Tout est là pour le repas, de l'agneau, du melon, du bon vin, et aussi un bon fromage. Mon cul, c'est la table des copains. Tu verras, tu reviendras. Je t'invite en balade, un beau village au cœur Quercy blanc. Partons en promenade, un gai refrain qui sent le printemps. Chante à tue-tête, un beau village au cœur Quercy blanc. Mon cul nous fait la fête, et ses couplets volent avec l'automne. Allez, viens, viens, je t'emmène. Allez, viens, prends-moi la main. Partons en promenade, un gai refrain qui sent le printemps. On le chante à tue-tête, un beau village au cœur Quercy blanc. Partons en

Et on continue avec Roger Pierre et Jean-Marc Thibault à Joinville-le-Pont. Et bien maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci beaucoup. Nous allons, si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Vous interprétez une chanson. Merci beaucoup. Une chanson à la gloire de la banlieue parisienne. C'est une chanson dont Roger Pierre a écrit les paroles sur Merci une... beaucoup. Dont Roger Pierre a écrit les paroles sur une morgue d'Étienne Luzin. T'es fou. Monsieur Mais t'es fou. Monsieur Il est fou. Ah, sur une musique d'Étienne Lorrain. Ça s'appelle À Joinville-le-Pont. C'est l'histoire de deux petits gars qu'on connaît bien parce qu'il y en a un qui est de Montreuil-sous-Bois, l'autre qui est de Saint-Ouen. Il y en a un qui s'appelle Polon et l'autre qui s'appelle Riton. Alors moi de mon côté, putain comme je me connais, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher Riton. Qu'est-ce que je fais de mon côté? Tu vas chercher Polon, ouais. Mais je le connais même pas, ce type-là. Il est fou. Moi, je vais le dire à ses parents parce qu'il est fou. Il a les yeux qui font comme ça. Ouais! Ouais! Oh, bah ça c'est un monde, hein! V'là pas l'eau, hein! Oh, bah v'là Riton! Ça fait une paille qu'on s'était pas vendé! Depuis l'école d'apprentissage, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je suis fraiseur chez Frinz Fruits Fritz! Ah bon? Et toi? Moi je suis zinger, hein! Chez qui? Chez Vince French Lunch! La succursale de Grun-Grun-Grun! Ouais! Dis donc, tu vas toujours bouffer au Moche Bar à Saint-Ouen? Non, je vais en face! Ah bon? Je vais rue des Malassis! C'est chouette! On mange debout! Ouais! Dis donc, faudrait qu'on se voie un de ces quatre! Viens casser une petite graine! Eh ben, c'est ça quand tu veux! Oui, mais alors te balance pas, hein! Viens samedi? Oh non, pas samedi! Pourquoi le premier samedi? Je suis un petit gars, plombier zingueur, je fais des semaines de 48 heures. Il attend que les dimanches s'amènent pour sortir sa grande germaine. Ou bien une autre, ça revient au même, mais moi je préfère quand même Germaine, à qui qu'un jour fouille le génie, si qu'on la laisse balader, à Joinville, oh oh, toute nous y Et dans la Marne, y'a des baigneurs. On voit des gars qui jouent aux boules. On en voit d'autres qui mangent des moules. On mange avec les doigts, c'est mieux. Y'a que les belles filles qu'on mange des yeux. Car quand le soleil resplendit, chaque couple le samedi. Allez les cœurs, à Joinville, oh, oh, tous les loups iront. Regardez d'un chez. Si le cœur nous en dit hi, hi, on pourra aussi si, si, nous mettra qu'un chez. Mais quand c'est la nuit tombe à 9h, y'a plus de pêcheurs, y'a plus de baigneurs, y'a plus de belles sous la ramure. Il reste plus que des épluchures. Germaine me dit, j'ai mal aux pieds, sur mon vélo je dois la ramener. Mais dès lundi je pense au samedi, le samedi moi samedi. Oh oh, à Joinville-le-Pont, c'est pas ça Lilo, que nous irons. J'ai, on a dû se gourer là. Caché, Et maintenant on va descendre dans la salle, on va danser, on va se marrer. Je vais aller chercher une nana. Une nana brune ou une nana blonde? Si j'ai une nana blonde, j'aurais pas une nana brune. Mais si j'ai une nana brune, alors là ça va bien. Ça marche, quelle belle soirée. chez mon parent, jaloux, des fois ça marche. Joinville-le-Pont, oh, oh, tous le nous irons, oh, oh, regardez car j'ai si le cœur nous en dit, on pourra aussi, si, si, nous mettre à cacher, je me suis gouré, c'est du soleil toute la journée. Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, vive la française. Vivre à la française, comme mon beau vieux temps de nos aïeux, porte des perruques et fraises, habits soyeux, au son divin du clavecin, poser gaiement son pied mutin sur un tapis d'égo, Belin. Les nuits de folie qu'embellit Lully. Ah, vivre à la française, garder le maintien des grands seigneurs, voilà le secret du bonheur. Si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison, des à la saison, des à saison, des amours, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Si tu crois petite, si tu crois que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphe et ton pied léger, si tu crois que ça va, ça va, que ça va, que ça va durer toujours ce que tu te gourres, fillette. Fillette, ce que tu te gourres, les beaux jours s'en vont, les beaux jours de fête, soleils et planètes tournent tout. Mais toi, ma petite, tu marches tout droit vers ce que tu vois pas. Très sournois s'approche l'aride véloce, la pesante graisse, le menton triplé, le muscle avachi. Allons, cueille. Cueille les roses de la vie, roses de la vie, et que leurs pétales soient la mère étale de tous les bonheurs, de tous les bonheurs. Allons, cueille, cueille, si tu le fais pas, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Dans la vie, je l'avoue, j'ai toujours un petit penchant pour les femmes. Qu'elles soient brunes, qu'elles soient blondes, à chaque fois, moi j'ai le cœur qui s'enflamme. Et souvent, lorsque j'ai des ennuis, c'est évidemment par les femmes. Cependant, croyez-moi, je ne pourrais pas m'en passer. Ah, les femmes, elles font peur des folies, aux plus jeunes comme aux plus vieux. Je suis à leur merci, je n'ai pas honte de l'avouer, messieurs. Et des fois, il m'arrive de prendre des résolutions sur les femmes. Je me dis, maintenant, tu connais trop bien la chanson. Plus de femmes. Plus de femmes. Oui, mais voilà. Oui, mais voilà. Bien t'a passé. À petits pas. Une jolie fille qui m'a regardé, elle me sourit, tout est changé, c'en est fini, fini. Je suis prêt à recommencer, et je crois ça sera comme ça tant qu'il y aura des femmes et des hommes. Et pourtant, on devrait se rappeler la fameuse histoire de la pomme. Mais on a beau chanter que les femmes dans la vie viennent tout compliquer. C'est curieux, mais chaque fois, on l'oublie. Et vraiment jamais rien m'empêchera de vous aimer. Oui, mesdames. Quant à moi, je l'avoue, j'aurai toujours mon petit penchant pour les femmes. Grande au Congresso. Ils sont venus dans la plaine, la chapelle ils ont pillée.

la fête se prépare, écoute la guitare, c'est le bal au balayar. Les masques de soie noire, subito domino, c'est le bal au bord de l'eau. Une fièvre bizarre dans notre cœur s'empare, à l'appel du bal au balayar. Que de jolies histoires, que de charmants duos, l'amour chante au bal au bord de l'eau. Palme blonde, allons danser là-bas. Il y a tant de monde que nul ne le saura. Écoute les guitares qui chantent dans les soirs. C'est le bal au balai. La plage s'est chamarre d'un millier de flambeaux. C'est le bal au bord de l'eau. Déjà sans le vouloir, je suis sans ton pouvoir. Sur le ciel ardent de balai. Qu'il fait beau ce soir, danser les yeux mi-clos, dans tes bras, au bal au bord de l'eau. De cette aventure plus folle que le vent, mon cœur, je vous le jure, se souviendra longtemps. Plus joli qu'un rêve, ces beaux romans d'amour, lorsque la nuit se lève, à moi je vis toujours. Je vais sans soir de vivre mon histoire, c'est facile, au bal au balai. Il n'est jamais trop tard pour prendre le bateau, venez vite, au bal au bord de l'eau. C'était Miguel Amador, le bal au balai. 15h55 à la pendule de Radio Arc-en-Ciel. On se quitte dans quelques instants après une page de publicité. Et je laisse à la place à mon ami Francky pour son émission After Job. Il a déjà des invités d'arrivée. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et puis je donne rendez-vous bien sûr samedi pour l'accordéon. J'espère que ça ira bien. Voilà. C'est tout ce que je peux dire de mal. La télévision par Rose Mania. Le grand ténor de la Scala de Milan dit à sa femme un soir en s'en allant: Je vais chanter au gala de l'opéra. On me télévisera. La télévision, c'est un cinéma où l'on peut tanner en restant chez soi. La télévision nous rapprochera. Moi je chanterai, toi tu me verras. La signora, sitôt qu'il fut parti, téléphona chez son ami Luigi. Allô chérie, viens donc voir de chez moi, le grand gala de l'opéra. La télévision, c'est un cinéma où l'on peut aller en restant chez soi. La télévision nous rapprochera, tant qu'il chantera, il ne sera pas là. Mais sur l'écran, scandale à l'opéra, le rideau tombe en pleine traviata. Le grand ténor s'est sauvé dans la rue, en s'écriant, c'est tout vu. La télévision, c'est un cinéma, mais un cinéma dangereux parfois. La télévision vous rapprochera, mais à condition qu'elle marche à l'endroit. Le grand ténor, jaloux, sa moitié avait muni pour mieux la surveiller son appareil d'un système émettant le rétro-téléviseur de cette chanson de télévision. Vous pouvez tirer une conclusion si vous n'aimez pas les complications. Ne prenez jamais